Je vous invite tous à la piscine, c'est ça? Ah ouais, on y va. Je t'emmène avec moi, Grise. J'emmène Pi aussi. Cool. C'était cool, les mecs.